Victor Hugo, le poème du jardin des plantes, encore Dieu, mais avec des restrictions. Quel beau lieu! Là, le cèdre avec l'orme chuchote. L'âne est lyrique et semble avoir vu Don Quichotte. Le tigre en cage a l'air d'un roi dans son palais. Les pachydermes sont effroyablement laids. Et puis, c'est littéraire. On rêve à des idylles de Viennet en voyant bâiller les crocodiles. Là, pendant qu'au babouin la singesse se vend, pendant que le baudet contemple le savant, et que le vautour fait au hibou bon visage, certes, c'est un emploi du temps digne d'un sage, de s'en aller songer dans cette ombre, parmi ces arbres pleins de nids, où tout semble endormi, éveille. Où le refus consent, où l'amour lutte, et d'écouter le vent, ce doux joueur de flûte. Apprenons, laissons faire, aimons, les cieux sont grands, et devenons savants, et restons ignorants. Soyons, sous l'infini, des auditeurs honnêtes, rien n'est muet ni sourd, voyons, le plus de bêtes que nous pouvons, tirons parti de leurs leçons, parce qu'autour de nous, tout rêve, nous pensons. L'ignorance est un peu semblable à la prière. L'homme est grand par devant et petit par derrière. C'est d'Euclide à Newton, de Job à Réaumur, un indiscret qui veut voir par-dessus le mur. Et la nature, au fond très moqueuse, paraphe notre science avec le cou de la girafe. Tâchez de voir, c'est bien. Épiez, notre esprit pousse notre science à guetter. Dieu sourit, vieux malin. Je l'ai dit, Dieu prête à la critique. Il n'est pas sobre. Il est débordant, frénétique, inconvenant, ici le nain, là le géant, tout à la fois énorme, il manque de néant, il abuse du gouffre, il abuse du prisme, tout, c'est trop, son soleil va jusqu'au gongorisme, lumière outrée, oui, Dieu vraiment est inégal, ici la Sibérie, et là, le Sénégal. Et partout l'antithèse, il faut qu'on s'y résigne. S'il fit noir le corbeau, c'est qu'il fit blanc le cygne. Aujourd'hui, Dieu nous gèle, hier, il nous chauffait. Comme à l'académie, on lui dirait son fait. Que nous veut la comète? À quoi sert le bolide? Quand on est un pédant sérieux et solide, plus on est ébloui, moins on est satisfait. La férule à batteux, le sabre à galifée, ne tolère pas Dieu sans quelque impatience. Dieu trouble l'ordre, il met sur les dents la science. À peine a-t-on fini qu'il faut recommencer. Il semble que l'on sent dans la main, vous glissez, on ne sait quel serpent tout écaillé d'aurore. Dès que vous avez dit « assez », il dit « encore. » Ce démagogue donne aux pauvres autant de fleurs qu'aux riches. Il ne sait pas se borner. Ses couleurs, ses rayons, ses éclairs, c'est plus qu'on ne souhaite. « Ah, tout cela fait mal aux yeux !» dit la chouette. Et la chouette, c'est la sagesse. Il est sûr que Dieu taille à son gré le monde en plein azur. il mêle l'ironie à son tonnerre épique. Si l'on plane, il foudroie, et si l'on broute, il pique. Je ne m'étonne pas que Planche eût l'air piqué. Le vent voit sans raison, sorte de bruit manqué, sans jamais s'expliquer et sans jamais conclure, rabâche. Et l'océan n'est pas exempt d'enflure. Quant à moi, je serai, j'en fais ici l'aveu, curieux de savoir ce que dirait de Dieu, du monde qu'il régit, du ciel qu'il exagère, de l'infini, sinistre et confuse étagère, de tout ce que Dieu prodigue, des amas d'étoiles de tout genre et de tous les formats, de sa façon d'emplir d'astres le télescope, nos notes et baculard dans le café Procope.